était seule, fraîche et tranquille au milieu d'une forêt luxuante. Pieds nus, elle marchait parmi les marrons et les feuilles, la terre fraîche et les mousses. Soudain, elle la croisa, elle, vêtue de son survêtement Adidas, tandis que l'autre, à quatre pattes, semblait au chaud d'une fourrure d'ours. Elle voulut lui dire bonjour, mais l'autre ne la comprenait pas. Elle s'approcha, cherchant les mots, mais rien de signifiant ne lui vint à l'esprit. Ni mots, ni sons, ni gestes. L'autre s'approcha à son tour et de sa patte la prit par la main. Elle l'entraîna vers un dénivelé, une rigole lisse de terre tassée par les hautes herbes en pilou-pilou. D'un geste assuré et mais rassurant, l'ours les jette toutes deux dans ce toboggan naturel et ensemble, elles entamèrent une glisse. Elle entraîna vers un dénivelé une rigole lisse de terre tassée par les hautes herbes en pilou-pilou. D'un geste assuré et mais rassurant, l'ours les jette toutes deux dans ce toboggan naturel et ensemble, elles entamèrent une glisse. Dans la vitesse de la descente, dans l'entrain qui les envahissait peu à peu et malgré leurs différences, elles se comprirent. Elles comprirent que c'est aussi dans la joie et l'excitation, dans le fait de vivre, de partager les choses ensemble, que résidait le secret de leur compréhension. D'apparence éloignée, des ondes, des avancées, une couleur blanche en tourbillon, en continu, forme comme un verre d'une transparence solide. Est-ce un miracle de manière naturelle? J'en vois courir partout, ça grouille, par ici et là, là devant nous, ici j'espère. Puis disparition et absence totale. C'est long, c'est lourd, ça balance. Le nez qui balance. Vers 22h30, enfin 40, un jeudi soir sur trottoir, je commence à regarder les plis de mes mains, mes doigts et paumes, comme si mes yeux faisaient une randonnée à l'intérieur de mes plis de peau. Cette analyse précédente, cette analyse d'accumulation, de répétition, de plis, résonne comme l'envie de se mélanger aux autres, retrouver un contact, des contacts. Et pourquoi pas bouger, écouter, toucher, danser, sentir une liberté de vivre ivre, comme les plis de mes mains, de tes mains. Elle avait besoin de son corps couleur crépuscule, de son corps paysage, qu'elle avait encore du mal à déterminer. Scène dans Podane, un corps couleur crépuscule imaginaire. Elle avait passé assez de temps avec lui, l'autre, qui se disait soi-disant fou d'elle, épris d'elle, amoureux. Elle voulait revenir en arrière, gagner du temps. Alors, elle avait pris rendez-vous avec son crépuscule, qu'elle avait baptisé, la semaine prochaine. Se coller à lui un instant, se laisser palper l'intégralité de la peau. Elle était autorisée à aller le consulter, une fois de temps en temps. se reposer sous sa lumière, bronzer, se laisser aller, s'abandonner et sortir de là avec une valise pleine à ras-bord de temps. Hold up du temps, dont elle manquait cruellement. Apaisement, cache, cache, cache, coup de poing, pointe, mandibule, bulle de love, action, si on s'amusait. Appétit colossal, saltimbanque, pan, pantagruel frêle, le soleil me transperce, percussion bombe, now. Continuellement, comme pour fuir mes pensées persistantes. Je me déplace, encore et encore, dans cet espace clos qu'est mon lit. Encore une fois, je me retourne, je regarde l'heure. Il est 3h05. Je me débats toujours un peu plus dans ce qui est pourtant censé être l'objet propice au confort et au sommeil. De manière violente, je me pose sur le dos. Il fait chaud. Chaud. Je ferme les yeux, les réouvre, puis les referme, en espérant que la noirceur qui me caresse délicatement la joue cesse et me laisse enfin me reposer, dormir. J'ai l'espoir, alors, que mes cauchemars qui me paralysent s'égarent dans la nuit noire. Je veux arrêter de me débattre chaque soir face à mes tourments, c'est épuisant. J'ai besoin seulement d'un peu de repos. Alors je fixe le plafond, ce plafond sombre qui me surpasse. Il me semble sans fin. Pourtant, il doit bien se terminer à un endroit. Les murs qui m'entourent me paraissent tout aussi sombres. Ils délimitent l'espace, délimitent la fin de ce plafond qui ne se termine pas au-dessus de moi. Je me perds dans mes pensées une fois encore. Le sommeil s'éloigne constamment. Il ne reste qu'une solution pour combattre cette nouvelle insomnie qui gagne du terrain peu à peu. Le pull. Ce pull fait de plantes, de mélisse, de valériane, de camomille et bien d'autres. À vrai dire, je ne les connais pas toutes. Il gratte légèrement. Néanmoins, une fois porté, il m'aide. Il me parle de toutes sortes de dialogues que seuls lui et moi pouvons comprendre. Il me rassure, me dit que c'est la dernière, me donne la force de combattre tous ces démons qui me terrorisent. Lui et moi ne faisons qu'un. Ensemble, rien ne nous arrête, sauf le sommeil qui me gagne enfin. Égaré, je me sens, le ciel gris m'embaume l'esprit, je me laisse planer, comme cette flamme, au fait je suis, le temps me fait perdurer, éparpillé je suis, me concentrer je devrais, de ma rêverie, lentement je redescendrai dans cette douce réalité. torrent de pluie s'abattait sur la ville assombrie, tandis qu'elle écrasait sa cigarette sur le rebord de son balcon en pensant à ce qu'elle n'aurait jamais. Elle se couchait dans son lit froid et observa son plafond vide de sens. Elle était de nouveau remplie de doutes et d'amertume. Pouvait-elle se plaindre ? Était-elle à la hauteur ? Était-elle lâche ? Avait-elle encore un peu de courage ? Elle s'assit, mit un coussin sous ses fesses et massait ce fluide qui lui servait de peluche entre ses mains. Elle pensait à mille à l'heure. Elle entama une discussion sensorielle avec elle-même pour calmer son stress. Un combat redoutable allait mettre son courage à rude épreuve. Sa poitrine se soulevait, une larme coulait sur sa joue. Une frénésie indomptable emportait ses pensées et elle tomba sur ce lit qui commençait tout doucement à se réfaucher. Son esprit s'arrêta, net. Ce langage, propre à elle-même, avait vaincu ses tourments. Finalement, elle l'était peut-être courageuse. Elle se releva, reprit une cigarette, sortit sur son balcon et l'alluma. Elle ne pensait plus. Ta sensualité s'épanouit avec ses gémissements. Les merci qu'il te susurre surpentent sur ton subconscient. Souvent, tu fais ce rêve étrange. Cette machination, madame, te manifeste chez toi cet envoûtement qui te met à nu. Radio Réveil provoque chez toi une sensation de réussite. Mais tu prends des risques. Ne te réveille pas, belle endormie. Jouis de cet état. Ne t'inflige pas cette anacolute. Un courant électrique te traverse et t'emmène au travers d'un cube transparent. Une énergie lumineuse te transporte sur les toboggans glissants d'une profonde méditation. Tu te déplaces où tu le souhaites dans ce cube méditatif. Il y passe un courant électrique qui t'emmène dans les airs, te transporte dans les profondeurs glissantes des toboggans de fête. Et tu tombes. Hors de moi, au dehors, par toi. Or je jette, rejette l'envie, le possible, l'impossible, le peut-être. une armure. C'est une armure. Une parure. Une combinaison. C'est ma peluche, ma pelote safe qui me la donne. Pour changer de personnalité quand je le souhaite. Au gré de mes envies, mes souhaits, mes désirs. J'ai une peluche avec moi, un doudou, une pelote, une combine. Mon paravent, mon pare-soleil, mon patriarche. C'est ma cale, ma planque, mon isoloir. Faite de plastique ou de peinture rouge. Parfois de bois, d'un autre moi. C'est une peluche à combinaison, plusieurs combines pour différentes chansons. Ma pelote a des codes, multiples combinaisons. J'ai un désir qui m'envenime, changer de peau, de perso, d'être un jour, d'une heure à une autre, devenir une un, en une, d'un coup de dé, d'un dé d'une main, sous ma génoire, une peluche. Sur les bords de mer, des nuages avancent chargés. De la flotte compacte, on entend le ciel gronder. Ils avancent sur toi et moi. Ils déchargent des litres d'eau, de sel, de poissons ivres. Sur la berge éclair, nous sommes couvertes de passion. Entre nos oreilles, des gouttes coulent. Nous coulons et l'écume te recouvre. Immaculée, nous nous écoutons faire sous la flotte dans l'eau laiton, ta main de verre se décompose. Les vagues nous giflent, debout face à la mer. On prend torrent. La mer ravale imminemment, l'eau recrachée soudainement. Précipitée, lourde, amère et déchaînée, nous sommes trempés. Sur le sable serré et humide, je veux nous voir allongés. L'air humide, chaud, brisé, caresse la peau de ta cuisse hérissée. Néon malicieux, bleu transparent, reflète un creux tout blanc, tout blanc. Trousse en métal, surface lisse, se transforme en pétale au moment de glisse. Le rien est vide, le sol livide, aride. Tendu, détendu, fendu, rythme discret, saccadé, fendu. Panique féerique, m'as-tu vu jongler, ça pique, au premier reflet.